Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou bien sûr en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 28 septembre 2016 de Méloman. Et on le rappelle une petite dernière fois, nouvelle formule de 20h à 22h. D'ailleurs, toujours un gros merci d'être au rendez-vous, comme toujours, et de tous vos beaux commentaires pour le spécial Equinox d'automne la semaine passée. Content que vous ayez aimé ça parce qu'on s'entend qu'on était dans des ambiances assez différentes qu'à l'habitude. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que ce soir, pour donner le coup d'envoi du fameux Festival Blues de Joliette, qui commence dès demain d'ailleurs pour durer toute la fin de semaine, donc plus précisément du 29 septembre au 2 octobre inclusivement, eh bien vous allez avoir droit, je vous le donne en mille, à toute une soirée blues à CFNJ. Donc un beau Méloman Blues, deuxième édition, parce qu'on en avait déjà fait un le 3 février dernier, qui sera suivi, comme à l'habitude, bien sûr, à 22h de Blues Moi. Excellente émission de Mme Ghislaine Boursier, dédiée au blues chaque semaine. Donc Blues, Blues, Blues, CFNJ Blues. On écoute Méloman Blues 2, 99.1 CFNJ. Thank you. et 88.9 CFNJ. people got the same trouble as mine. I got the blues. I say I've been around a long time. I really paid some dues. One more time, fellas. Blind man on the corner, begging for a dime. The rollers come and caught him and throw him in the jail for a crime. I got the blues. I'm singing my blues. I've been around a long time. I really paid some dues. Can we do just one more? Well, I thought I'd go down to the welfare to get myself some grips and stuff. But a lady stood up and she said, you haven't been around long enough. That's why I got the blues. The blues. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Put a tiger in your tank. Time. ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. I ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare, keep my hair up. Hey, I just can't make it calm down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got ça vous donne une petite idée de l'éventail des styles qu'on va explorer ce soir en cette deuxième édition du Méloman Blues sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. Parce que non, il n'y a pas juste une sorte de blues, c'est un genre vaste comme tous les autres. En fait, c'est tellement large qu'on risque de même pas tout les couvrir à deux émissions parce qu'on n'oublie pas Blues Moi avec Madame Boursier juste après Méloman. Une soirée blues au CFNJ ce soir pour un coup de lancement, en fait, pour le festival Blues de Joliette qui commence demain. Bref, il y en aurait beaucoup à dire et déjà, il va falloir que j'abrège, question de pouvoir tout faire jouer. Vous savez comment c'est. Donc, c'est un blues des plus jazzés qui vient de clore notre premier bloc parce qu'on sait qu'il y a un lien très fort qui unit le jazz et le blues. Et c'est bien sûr la grande Ella Fitzgerald qu'on vient d'entendre accompagnée par Joe Pass, virtuose de la guitare qu'il faut connaître, tout simplement, pour I Ain't Got Nothing But The Blues de 1976, qui suivait une chanson originalement sortie un an plus tard, mais qu'on a entendue ici en version live de 1980, soit le blues très rock d'Offenbach, bien sûr accompagné du big band de Vic Vogel. Donc, voyez-vous, malgré tout, un petit lien avec le monde du jazz encore une fois. Donc, un classique, le blues me guette, qui suivait la légende Muddy Waters avec sa prestation tout aussi légendaire au Festival de jazz de Newport en 1960 avec Tiger in Your Tank, une chanson qui, elle, n'est pas sans rappeler le gospel à l'origine du blues. Et parlant de gospel, on a aussi entendu juste avant un homme qui s'est toujours inspiré des preachers dans sa façon de déclamer ses textes et pour qui chaque note de guitare compte. On parle bien sûr du grand B.B. King qui nous expliquait pourquoi il chante le blues avec « Why I Sing the Blues » tout simplement de 73. Et juste avant ça, deux pièces liées l'une à l'autre, pardon, soit encore une petite incursion dans le monde du jazz bluesé de l'excellent Kenny Burrell avec la pièce titre de son intemporel album Midnight Blue de 1963. Une pièce qui n'est pas sans rappeler le Moon Dance de Van Morrison hein, quelques années plus tard. On va en reparler d'ailleurs de Van Morrison tantôt. Et un album Midnight Blue où on pouvait aussi retrouver Chitlin's Con Carne, une composition de Kenny Burrell qu'on a entendu par contre ici reprise par Junior Wells, harmoniciste de légende du Chicago Blues, 2 ans plus tard, soit en 1965, avec un jeune Buddy Guy en arrière-plan. Comme quoi le jazz et le blues sont vraiment deux vases communicants. Mais nous, on y retourne avec le blues acoustique, cette fois-ci de Lightnin' Hopkins, au 99 ans, CFNJ. We'll be right back. time. Les veines n'ont plus bandé. vu partir et pas jusqu'au fond de la lit. Rien à foutre de tout ça, on va tous crever. Tu parles de blues, d'avoir perdu ta job. Tous tes problèmes, y'en a qui n'existent pas. Je souhaite jamais au nom de poignée un vrai microbe. En question, eh bien, il pardonne pas. C'est objectif. Got a little child, should try to make it a home. But oh, oh, yeah, you know what it means to be alone. You take your life and pretty baby, tomorrow you could be crying. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I don't even care. I can get a woman like you, baby, any place, anywhere. Bye, bye, baby. Mama, if you call at dawn. Bye, bye, baby. Mama, if you call at dawn. I've got a brand new woman, darling, to move in your happy home. To stay, a bed to sleep in. I found now he's going around town telling everybody that he got my wife. And I gets mad. I go to the cabin. I say, look, man, go warn you one time. Next time I warn you, I'll use my gun. Cause I'm mad, and I'm bad, by Jesse Jane. I got three boys, do my dirty way. You don't see me, I'm the big boss. I do the pain all, of the job I did. It may shoot ya. It may cut you. It may drown you. I don't know. Cause I'm mad. And I'm bad. I'm bad. I sink you in the water. Yeah, the bubbles coming up. You gonna hold you there. You hear the bubbles. I take two. Okay. Tell me that Et vous êtes toujours en pleine soirée blues, CFNJ au 99.1 et 88.9 FM. Vous écoutez la deuxième édition du Méloman Blues qui sera suivie de Blues Moi avec Ghislaine Boursier. Tout ça dans le but de souligner le festival de blues de Joliette qui commence dès demain, 29 septembre, pour se terminer le 2 octobre. Allez faire un tour dans au moins un des nombreux concerts qui sera donné là, dans la fin de semaine. Ça vaut la peine. Je vous conseille, entre autres, Lewis Dave dès demain si vous aimez le boogie. Parce que oui, le blues se décline en plusieurs styles différents et c'est ce qu'on explore ce soir, même si c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce que même les Beatles se sont adonnés au blues, comme on vient d'entendre, une version de Revolution qui était déjà assez blues, mais qu'on a entendu dans une version encore plus blues qu'on entend moins souvent. Version qui, contrairement aux 45 tours très connus, s'appelle Revolution No. 1, pour la différencier de Revolution No. 9, célèbre écart de conduite de Lennon. Une chanson, Revolution No. 1, qu'on pouvait retrouver aussi sur l'album blanc de 1968. Comme je disais, les Beatles qui se sont quand même assez fréquemment adonnés au blues. On a juste à penser à des chansons comme Your Blues ou For You Blue sur l'album Let It Be. Et sinon, la version électrifiée du blues du Delta du Mississippi, on va y revenir tantôt à ce style-là, de John Lee Hooker avec son classique I'm Bad Like Jesse James, hein, le Robin des Bois de l'Ouest, en version solo de 1992, parce qu'il existe plusieurs autres versions plus vieilles de cette chanson-là, qui suivait la légende, la grande légende, un de mes préférés, T-Bone Walker, qui les a tous inspirés. Grosse influence sur B.B. King et Chuck Berry, entre autres choses, avec tout simplement You Don't Love Me de 1950. Un blues, encore une fois, un petit peu plus jazzé avec des cuivres qu'on va entendre, des cuivres qu'on va entendre dans un genre qu'on va appeler le jump blues, entre autres. Et on a aussi entendu écouter du Chicago blues pur et dur avec le tout aussi légendaire Otis Rush avec It Takes Time de 1958. Et juste avant ça, une petite surprise, les colocs, pourquoi pas, pour qui... En fait, le blues n'était pas étranger du tout avec Séropositif Boogie de 93, chanté non pas par Dédé Fortin, mais par le regretté Patrick Esposito di Napoli, harmoniciste français original des colocs, malheureusement décédé un an plus tard en 94. Et tout ça amorcé par l'inimitable Lightnin' Hopkins avec son country blues, cette fois-ci du Texas. Donc voyez-vous, toute une panoplie de sous-genres qu'on continue d'explorer. À l'instant, en fait, je vais vous placer ça ici, parce que sinon... Donc, panoplie de sous-genres qu'on continue d'explorer. À l'instant, 99.1, CFNJ. Mon pote le blues, te voilà bien défiguré. Mon pote le blues, ils t'ont tous commercialisé. Maintenant qu'ils t'ont bien souillé, il va falloir te relever. Mon pote le blues, parfois quand tu es bien chanté, mon pote le blues, c'est à ce moment-là que t'es sifflé. C'est trop tard pour tout recommencer. On t'écoutera dans les glandés. Bien

nobody's gonna know that I died standing pat. Sud de la Naudière, pour les prochaines heures, un dégagement avec un minimum de 8 degrés. Généralement ensoleillé jeudi, maximum 18, et ensoleillé vendredi, maximum 19 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel, les environs, partiellement nuageux cette nuit avec un minimum de 5. Jeudi s'annonce ensoleillé, maximum 18, et ensoleillé aussi vendredi, maximum de 20 degrés. CFNJ. sapins-pompiers pour déjeuner avec des toasts et du café. J'aurais donc dû mademoiselle, je vous aime beaucoup, j'ai mes bretelles qui tiennent à vous. Moi je suis gêné, plus que je suis sous, plus je suis bacté, je suis comme vous. J'aurais donc dû rester et puis chante la brosserie chérie, hey, hey, hey. Avoir ma bière avec Roger. Ma porte de chaîne chante bien mieux que vous, est bien moins raide que vos deux genoux. Votre chape de laine autour du cou, elle me donne mal à laine, me met à Amen. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. You're too miserable. now you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, babe. I said you shook me, baby. You shook me all night long. C'est de tout un voyage qu'on vient ici, mesdames et messieurs, en cette soirée blues sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. Méloman Blues, deuxième édition, s'il vous plaît, qui sera suivie à 22h de Blues Moi avec Madame Boursier, dédiée chaque semaine justement à ce style qu'on aime tous. Et nul autre que les mastodontes du rock Led Zeppelin, dont les fondations étaient bien ancrées dans le blues, comme en témoigne cette reprise de You Shook Me, qui nous provient de leur tout premier album éponyme de 69. Une reprise, comme on disait, d'une chanson de Willie Dixon, contrebassiste, mais surtout compositeur maison de la légendaire étiquette de disque Chess de Chicago, pour laquelle il va composer une foule de chansons qui vont devenir des standards pour les années à venir. Il est partout, c'est pas compliqué. Et juste avant ça, écoutez, j'ai hésité longtemps, il y en aurait eu plusieurs autres, comme le blues de la bêtise humaine ou encore un peu tout ce qu'il a fait avec le grand guitariste Gaston Gagnon. Mais il n'y a pas grand-chose qui vaut le cachet incroyable de Ma porte de shed, composé par Plume La Traverse et Cassonade en 1975. Plusieurs éléments blues sans être un blues à proprement parler, mais ô combien intense. On aurait aussi pu mettre Les Pauvres, qu'on a parfois qualifié du plus grand blues québécois, surtout dans le thème, hein, parce que le blues, c'est une question musicale, mais aussi une question de thème. Et sinon, voyez-vous, c'était quand même très intense, et de l'intensité, eh bien, c'est pas ce qui a manqué en première partie de bloc, avec entre autres John Mayall, figure de proue du British Blues, cette fois-ci, qui va jouer avec plusieurs, dont Clapton, dans les années 60, juste après les Yardbirds, avec un extrait d'un album live légendaire de 1969 que je vous conseille, qui s'appelle The Turning Point, et duquel on a entendu So Hard to Share, qui suivait à son tour un vieux classique, une chanson traditionnelle américaine d'origine anonyme, donc on ne sait pas c'est qui a composé ça. Une chanson qu'on appelle le St. James Infirmary Blues, originalement popularisée par Louis Armstrong en 1928, mais qu'on a entendu dans une magnifique version de Van Morrison, de qui je vous avais dit qu'on reparlerait tantôt, donc en 2003, quand même assez tard dans sa carrière, surtout si on considère qu'il a commencé sa carrière dans les années 60 avec le groupe Them, hein, d'Irlande, Van Morrison qui nous vient d'Irlande, et le St. James Infirmary Blues. Il existe aussi une version de Hugh Laurie, mieux connu sous le nom de Dr. House, vous irez voir ça, très bonne version aussi, Hugh Laurie qui a fait deux albums. Et le tout amorcé magnifiquement par Henri Salvador en 67 avec Mon pote le blues. Et maintenant on plonge dans la légende à pieds joints avec un classique du Delta Blues acoustique original du Mississippi, avec un guitariste qui aurait fait un pacte avec le diable. On en reparle tantôt, on remonte en 1936 avec Robert Johnson, 99 ans, CFNJ. Baby, don't you want to go? taking you to my sweet home, Chicago. Thank you. the cross of the leaf I'm sinking down. Thank Eric you. Clapton, please, the vocal. Thank you. chain you. My building called me a disgrace. Forget to do the love and everything that everyone ought to do. I'm living in happy as a king, but foolish though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you longing here for you you'll never know how slow the moments go until I'm near to you. I see your face above. It's just a thought of you, a very thought of you, my love. Yeah, yeah. It's the very thought of you, the most. Play it pretty, play it pretty. just the thought of you, the very thought of you, my love. Et que ça passe vite en bonne compagnie, chers amis, parce que c'est déjà, et oui, ce qui met fin à cette deuxième édition du Méloman Blues avec le grand Albert King qu'on vient d'entendre avec « The Very Thought of You » de 1967. Encore une fois, un exemple de bluesman qui n'est pas étranger au monde du jazz. Une chanson qui est devenue vraiment un standard de jazz. Et juste avant ça, un des derniers grands guitaristes blues, Jimi Hendrix, et oui, avec une rare version acoustique de « Hear My Train Coming » à la 12 cordes en plus. Ce qui n'est pas sans rappeler notre ami Leadbelly, Audie Leadbetter. Et parlant d'Hendrix, on a aussi entendu sa composition Little Wing dans une version légendaire de Stevie Ray Vaughan, dernier grand ambassadeur du blues du Texas. Et juste avant tout ça, on était dans le fameux mythe du pacte avec le diable à la croisée des chemins qui aurait donné ses talents phénoménaux à Robert Johnson avec sa composition Crossroads en version Clapton au sein de Cream en 69, Clapton qui va être un de ceux qui va le plus assurer la pérennité, si on veut, de Robert Johnson, qu'on a entendu en personne juste avant ça avec Sweet Home Chicago qui va être reprise quelques milliers de fois par la suite. Vous aviez sûrement déjà entendu cette air-là. Bref, c'est ce qui met fin à ce Méloman Blues 2. J'espère que vous avez apprécié, mais ça n'est pas fini pour le blues parce que juste après, je vous invite à rester à l'écoute pour Blues, moi, de Mme Ghislaine Boursier, qui va suivre à l'instant. Donc, nous, on se dit à la semaine prochaine, mercredi dès 20h, pour ce qui devrait être une 7e édition du Radio Pirate. Et moi, je vous laisse, voyez-vous, je voulais vous laisser avec la 12 cordes, justement, de Audie Leadbetter, mais je ne veux pas empiéter sur l'émission qui suit, donc on y va avec un classique de Roy Buchanan, 99 ans, CFNJ. Should have been, but I know that the Messiah, he will come again.